Pour chanter Veni Creator, il faut avoir chasuble dents. Pour chanter Veni Creator, il faut avoir chasuble dents. Nous en tissons pour vos grandes l'Église, mais nous pauvres canuts n'avons pas de chemise. C'est nous les canuts, nous allons tout nus. Pour gouverner, il faut avoir manteau ou ruban en sautoir. Pour gouverner, il faut avoir manteau ou ruban en sautoir. Nous en tissons pour vous grandes la terre, et nous pauvres canuts, sans draps on nous enterre. C'est nous les canuts, nous allons tout nus. Mais notre règne arrivera quand votre règne finira. Mais notre règne arrivera quand votre règne finira. Nous tisserons le linceul du vieux monde, car on entend déjà la révolte qui gronde. C'est nous les canuts, nous n'irons plus nus.